Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon conti mon aîné. Oh Angile, oh Anja soit ton mamé. Oh Angile, oh Anja soit ton mamé. Mas papa, mais moi bébé je n'en peux là. Aïe, pas le pas con pour moi yo. Aïe, ma chérie nous m'a fait chamaboua, à diamant m'a donc.